Oui, je crois que la soeur, le frère Tabi. Mais normalement, comme elle est déjà dans le groupe, elle doit seulement rejoindre le groupe. Écrivez-lui comme ça. Oui. Ouais. Alors maintenant, vous avez suivi le témoignage de notre soeur, la soeur Andrew. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui étiez là-bas ce soir-là, frère Trabi et madame Trabi? Bon, on arrive encore la soeur Andrew. Vous voyez effectivement que la soeur Christiane, elle a sûrement avoir des problèmes avec son appareil parce que tout le monde est encore connecté. Sauf, donc, Oui. dis-lui en off qu'elle elle rejoint sûrement le groupe directement. Je vais voir. Peut-être qu'elle va se connecter maintenant. Oui. En Alors, fait, oui. oui. En fait, je crois à cette transformation-là parce que ça me fait rappeler aussi à mon tour quand le Seigneur faisait aussi pour moi. Oui. Parce que c'est une fraction de seconde comme ça aussi. Mais comme le Seigneur utilise plusieurs façons, pour moi, c'est une brochure que j'ai reçue et puis bon. Aujourd'hui à demain, c'est fini. Après, ça a changé comme ça. Oui, mais mes frères Trabé, honnêtement, quand on était en ami ensemble, quand cette soeur-là dérangeait avec les questions, qu'est-ce que tu avais comme pensée dans ton cœur vis-à-vis d'elle, la voyant? En fait, bon, automatiquement, je la comprenais. Je savais que c'est vrai, elle cherchait à comprendre. Et puis, par moments, c'est difficile pour des personnes qui ne sont pas encore converties. Quand tu les parles, Oui. souvent, ils ont leurs croyances, ils ont leur manière de voir les choses. Oui. Donc, ils peuvent s'exprimer de cette façon. Ils peuvent s'exprimer de cette façon. Oui, ils ne comprennent pas, c'est difficile. Je voyais ça normal, Oui. mais Alors. bon, je me disais si c'est le Seigneur vraiment qui la touche, tout va changer, quoi. Oui. Tu vois, effectivement, qu'avec cette expérience-là, il faut être patient avec les gens, n'est-ce pas? D'accord. On a le souci. D'abord, permettez, j'arrange le. Oui. Je ne savais pas que cette transformation allait se passer comme ça dans sa vie. Très vite comme ça. Non, très vite, quoi. Quand on s'est laissé depuis, elle devrait se baptiser. Par moment, on causait une fois. Bon, on causait par moment, par texto. Et le jour qu'elle a. Bon, on a parlé de ça. Et en fait, j'ai commencé à lui parler encore du baptême, tout ça. Et elle a Mais seulement comment ça? elle a dit cours toujours, je vous vois venir. En fait, j'ai commencé à lui dire, mais depuis là, le baptême, ceci, c'est comment elle a parlé de lieu, en fait. Donc, depuis longtemps, c'était le lieu qui, je sais pas, il n'avait pas encore trouvé le lieu. Or, moi, je connaissais un lieu déjà, parce que, étant ici en Belgique, nous sommes allés faire intégration. Et l'école dans laquelle je suis allé faire l'intégration, on nous a fait visiter une petite plage là. Donc, j'ai gardé l'endroit. Oui, donc quand J'ai tu dit visites la bon. plage comme ça, tu ne pars pas visiter comme tout le monde. Tu pars seulement, tu pars mettre sur Voilà, le. baptiser seulement. Ouais. Donc, l'endroit est resté. J'ai dit, ben, il y a une place, il y a un lieu où on peut baptiser, on peut aller. Hein, j'ai parlé de ça à la soeur. Et puis, bon, je lui ai dit, arrange-toi à trouver le jour vite. Parce que fais vite pour finir avec ça. Voilà. Donc, on fait de ça comme ça. Et là, en même temps, elle a fait un programme en même temps le dimanche qui vient. Il vient là en même temps, on s'est attrapé en même temps, on a fait ça rapidement comme ça. voilà bienvenue à la soeur Bon. Christiane. Elle s'est finalement connectée. Bon arrivé, bonsoir la soeur Christiane. Bonsoir, bonsoir les bien-aimés, enfin. Enfin, tu es où? Tu es où? À Bonsoir. Bruxelles? À Bruxelles, il n'y a pas de connexion à Bruxelles. Il a plu là-bas, c'est quoi? J'ai dû couper le wifi et relancer, donc c'est peut-être que ça marche. Ok, que le Seigneur te bénisse. Donc, désormais, quand on appelle et que quand vous êtes dans le groupe, déjà quand on appelle, vous n'êtes pas là. Quand vous venez, normalement, il y a un onglet vert qui va s'afficher, rejoindre l'appel. Il suffit de cliquer sur cet onglet-là et entrer dans le groupe. Eh bien, tu n'as pas perdu grand-chose, hein? C'est la sœur Reine qui nous donnait son témoignage. Donc, et Dieu merci, tu étais là également le soir, là, je profite pour te poser la question. Quand tu vois la sœur Reine maintenant et la sœur Reine que tu as connue ce soir, nous étions dans notre visite en tournée européenne, qu'est-ce que tu en dis? Mais la sœur Reine, on se moque seulement de toi là, du côté. Que Elle était assise à ta droite, si ma mémoire est bonne, toujours à ta droite.